et un salaire élevé à ceux qui les produisent, ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre, de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. Cette semaine, tic-tac, tic-tac. Le fait main, pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima, par des outils de main. La gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Crise, réforme et résurrection. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Et les 5% restants, 3% incluent les touristes. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue, bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Quelques histoires de mécanismes. Tic-tac, tic-tac, ou l'industrie horlogère suisse. Aujourd'hui, entretien avec Hervé Münz, anthropologue. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Avec plaisir, mon nom est Hervé Münz, je suis anthropologue de formation, de métier et de pratique, puisque c'est le métier que j'exerce depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis. Vous ne les faites pas? Ah, quand même, oui, bien. Le matin, ça. Le soir surtout. Ah, le soir, l'articulation est. Je sais pas si c'est pas tellement au niveau de l'articulation, peut-être c'est même simplement. C'est l'effet de la vie, quoi. C'est la trajectoire de la journée. Enfin, non, si ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans ce métier-là, donc l'anthropologie consiste à une discipline qui s'intéresse au groupe et à la manière du vivre ensemble, à la manière de penser les pratiques et la transmission de ces pratiques. Raison pour laquelle je suis devenu spécialiste, même si c'est un bien grand mot, de l'industrie horlogère suisse. Je m'y suis intéressé avec les outils de l'anthropologie, le regard de l'anthropologie, mais avec une matière somme toute assez proche de moi. Juste un mot de présentation comme ça. Est-ce que vous étiez nombreux dans la classe? Parce que quand on dit anthropologie, j'ai l'impression que on est dans une catégorie de métiers d'avant, de métiers d'hier, mais sans doute c'est une mauvaise interprétation de ma part. Qu'en est-il de du moment? Est-ce que, alors, comme vous le dites, l'anthropologie a renouvelé ses approches et ses objets d'études. Est-ce que ça veut dire également que ça a été poussé par une génération de gens comme vous qui sont arrivés sur les bancs et qui étaient, bon, qu'est-ce qu'on étudie maintenant? Ouais. Je pense que l'anthropologie est une de ces sciences humaines qui a gagné là où les humanités ont perdu. Par exemple, le latin, l'italien ont été parfois mis à mal, ou la philosophie antique dans certaines universités. Les places qui ont été prises un peu dans ces disciplines sont parvenues à l'anthropologie, par exemple. Donc non, c'est une... Avec une médiatisation qui suit. Vraiment importante, ouais. Mais parce qu'on a la chance, en tout cas en Suisse romande, d'avoir un excellent ou des excellents musées d'ethnographie. Deux, en tout cas, Neuchâtel en premier lieu, et puis Genève dans une certaine mesure aussi. Et que ça participe vraiment à la médiatisation de l'approche, et aussi de la réflexion critique ou de l'approche réflexive. Hein. Quand on parle des autres, on parle d'abord de soi. Ça, je crois que c'est très implanté dans la tête des gens en Suisse romande. L'idée qu'on n'est pas juste en train de décrire des pratiques de populations diverses et variées d'autres endroits du monde, mais qu'on est toujours en train de réfléchir à un dialogue commun entre ce que font les autres et ce qu'on est nous. Ou ce qu'on regarde des autres. Au-delà des musées, est-ce que les médias vous invitent, c'est un vous collectif bien sûr, suffisamment selon vous, raisonnablement fréquemment sur les ondes? Les historiens ne nous invitent pas assez, donc je suis très content que vous m'ayez invité aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. Les historiens nous invitent peu, mais en revanche, d'autres émissions comme Vacarme ou Tribu, notre tribu plutôt, invite régulièrement mes collègues, j'y suis jamais passé moi, mais enfin, régulièrement, des collègues qui s'intéressent à différents types de pratiques sont présents. Et puis, je dois dire que pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un travail extrêmement médiatisé à sa sortie, quand j'ai publié mon livre il y a 2 ans. Je m'y attendais absolument pas, donc je serais vraiment mal placé pour dire que les anthropologues bénéficient pas d'une d'une médiatisation importante, en tout cas pour ma part. C'est, bah revenons-en c'est d'ailleurs au bouquin, parce qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre la promo. Absolument. 2 ans plus tard. Ouais. Alors le titre, l'éditeur et puis le contenu. Le titre, donc la transmission en jeu, une réflexion sur la manière dont on apprend, dont on patrimonialise et dont on pratique l'horlogerie en Suisse aujourd'hui, avec un regard d'anthropologue, donc un regard en immersion. J'ai passé une partie du temps à apprendre le métier sur les bancs des écoles professionnelles. J'ai passé beaucoup de temps au sein des ateliers, des petites entreprises et des grandes entreprises aussi. J'ai fait des visites d'entreprise. J'ai écumé les salons, les grands prix. Je me suis intéressé vraiment à tout ce qui avait trait à l'horlogerie en Suisse pendant 5 ans. Sur la base de quoi j'ai écrit une thèse d'anthropologie, que j'ai tant bien que mal essayé de résumer pour en faire un livre un peu plus attrayant que la thèse, un peu moins long. La thèse faisait 600 pages. Le livre en fait que 400, donc du coup, c'était déjà une gageure et un vrai travail pour proposer ça. Donc le titre, c'est une manière un peu facétieuse de penser la transmission, disons que la transmission, c'est ce qui fait problème pour un certain nombre de personnes, tant les praticiens que sont les horlogers et les horlogères que les responsables d'entreprise, pérenniser le métier, pérenniser la pratique, continuer à vendre des montres, envers et contre tout. Et puis, c'est aussi l'idée que depuis une vingtaine d'années, la transmission se met en scène, littéralement, au sens elle est jouée, elle est performée. Et donc, il y a aussi une manière de penser deux types de transmission. Hein. Une transmission comme la passation du métier et une transmission comme la mise en scène ou la valorisation, entre autres marketing, mais aussi touristique du métier. Bon, moi, je dois vous avouer que j'ai été ébloui par votre écriture et par ce que vous avez proposé. Et pour mettre tout le monde un peu entraîné, les auditeurs, dans cet enthousiasme-là, quand on a un article scientifique qui commence par un vers de Paul Éluard, on se dit qu'on n'est peut-être pas forcément mal tombé. Je cite ce vers. « La vision devient l'outil du monde à refaire ». Dans cet article, Hervé Munz, vous posez le regard sur les actes de voir et de savoir. Il est vrai que le métier d'horloger doit forcément passer par le voir. Mais il devient très difficile de voir, non pas l'infiniment petit, mais le particulièrement petit. Autrement dit, on a affaire avec quelque chose qui est à la lisière de l'invisible et que l'on doit donc pouvoir espérer de voir autrement qu'avec les yeux, autrement qu'avec le sens habituel. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu nous ouvrir les portes de ce monde à la fois magnifiquement poétique et remarquablement pragmatique et mystérieux ? Avec grand plaisir. Peut-être par une anecdote, tout simplement, quand je me suis mis à vouloir enquêter sur la manière dont les jeunes gens, les apprentis et les apprentis apprenaient le métier à partir de 15 ans. J'ai facilement pu entrer dans les écoles professionnelles où les gens m'ont fait un accueil vraiment extrêmement chaleureux. Et je me suis mis au travail comme un bon anthropologue des techniques ou des savoir-faire, en ayant la volonté d'observer ce que les gens faisaient et la manière dont les apprentis apprenaient les rudiments, les bases du métier. Mes yeux se sont cognés à une impossibilité de voir ce que les gens faisaient, dans la mesure où ils étaient courbés, recroquevillés, que leur corps faisait écran sur leur établi, bien évidemment, et que même si j'avais été posé à même leur épaule, j'aurais eu de la peine à voir, dans la mesure où il y avait toute une série de médiations matérielles entre eux, leur corps, et la pièce sur laquelle, ou le bout de composants sur laquelle ils travaillaient. Et plutôt que de continuer à me taper la tête contre ces problèmes d'observation, je me suis rendu compte que c'était là la richesse de ce terrain, c'était de comprendre en fait comment moi je me trouvais confronté à des problèmes que tout horloger en herbe rencontre nécessairement à un moment ou à un autre. Du coup, je me suis vraiment intéressé à la manière dont les horlogers apprenaient à voir, non seulement avec des médiations matérielles, des prolongements de leur corps en fait, des capteurs vidéo, différentes technologies de projection, mais aussi des documents, des schémas, des dessins, des diagrammes, des croquis. Ils étaient constamment un crayon à la main pour essayer de créer des formes qui leur permettaient de voir ce qu'ils n'étaient pas forcément capables de voir immédiatement. Et puis je me suis aussi intéressé à toute la question de l'apprentissage à voir avec les doigts, avec les mains, avec le toucher, en me rendant compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'un métier focalisé sur la vision, mais qu'il s'agissait d'un métier synesthésique. Où la synesthésie, je le rappelle, c'est la convergence de l'usage de plusieurs sens en même temps. Ça peut être l'odorat, ça peut être la vue, et là c'était vraiment le tactile, un peu l'ouïe, et surtout la vue. Parfois, donc, les horlogers étaient amenés à sentir la distance entre deux composants, à apprendre à intégrer cette distance au bout de leurs doigts ou dans le prolongement des cabrons de peau qu'ils utilisaient ou des chevilles de bois, parce qu'ils n'étaient pas capables d'estimer cette distance de visu. Y a-t-il un assez grand nombre de malvoyants parmi les élèves ? Et ceux-ci sont-ils, d'une certaine manière, favorisés du fait qu'ils sont dedans depuis longtemps? Non, pas du tout. En fait, la plupart des horlogers sont plutôt bienvoyants. C'est-à-dire qu'il y a des horlogers myopes, bien sûr, et c'est pas forcément une pénalité ou un handicap. Mais disons, les horlogers aveugles n'ont pas existence à ma connaissance. Mais doivent-ils désapprendre à voir? J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et que vous découvrez quand vous êtes sur place. Aussi, voir, c'est d'être dans un rapport d'immédiateté et d'évidence avec ce que produisent nos capteurs visuels ou notre sens de la vue, absolument, ouais. C'est d'autant qu'ils utilisent aussi des loupes, ce qui suppose tout un apprentissage à avoir deux plans de vision en simultané. C'est-à-dire que la loupe oculaire, c'est donc pas un binoculaire, ils ont une loupe sur un œil. Et donc, ils sont censés maintenir leurs deux yeux ouverts, en fait, pour éviter de se fatiguer. Du coup, ils doivent vraiment apprendre à avoir un champ de vision double, si on veut bien. Donc un œil qui voit gros et puis l'autre qui voit gros et un œil qui voit petit, en fait, effectivement, et à apprendre à jongler et à pas Oui, parce que les premiers temps ils doivent sortir et ils titubent comme des alcooliques. on se familiarise, on domestique tout ça assez vite, j'en suis moi-même la preuve. Si j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Et puis alors ça, c'est une première des choses. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment les formateurs et les formatrices aussi enseignaient ces techniques sans référentiel externe, en fait, c'est-à-dire apprenaient à mesurer ces tolérances, ces distances entre des composants de visu en faisant appel à votre tactilité, en développant votre sens du toucher, mais sans capteur automatisé. Il y a beaucoup maintenant en industrie des techniques pour aller industrialiser ces questions de mesure de distance entre des composants. Donc en fait, ça se passe par des capteurs d'air, des dispositifs technologiques dernier cri. Et en formation, on passe pas par ce genre d'équipement-là, en fait. Donc on est encore dans un étage relativement de travaux manuels. Alors, si par manuel ou visuel, ou enfin, en tout cas, où le sens, oui. Les sens sont outillés jusqu'à un certain point, mais disons, la responsabilité, la délégation aux objets ou aux équipements n'est pas entière, en fait. C'est-à-dire qu'on passe encore beaucoup par les sens des horlogers et des horlogères, qui certes sont toujours médiatisés par des objets ou des outils. Un horloger qui serait juste tout seul avec son corps et avec une pièce, ça n'existe pas. Donc, il n'y arriverait pas. Non, de toute façon pas. Il faut pouvoir avoir un outillage beaucoup plus fin. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, quand on parle de fait main, d'artisanat, l'artisanat n'existe pas au sens où le fait main pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima, par des outils de main. Histoire vivante, cette semaine, tic-tac, tic-tac, suite de l'entretien avec Hervé Muntz. Alors vous avez souhaité prolonger ce travail, en le complexifiant si j'ose dire, pour aller voir à l'autre bout du monde, quand de nouveau il y a situation d'apprentissage, toujours dans le domaine de l'horlogerie, mais que cette fois c'est une population d'Asie, de Chine, oui. Et l'enseignement étant donné par une francophone, absolument, suisse, donc le savoir-faire, la qualité suisse exportée, mais évidemment tout le monde l'aura compris avant même que je l'ai énoncé, se pose le problème de la traduction. Alors déjà, je pense que c'est une manière d'en rendre compte en étant le plus lucide par rapport à la réalité de l'horlogerie suisse. Aujourd'hui, l'horlogerie suisse est une industrie mondiale, elle est absolument globalisée et dans toutes ses ressources et toutes ses dynamiques actuelles. C'est pas juste une excroissance ou un accident de parcours de ces 15 dernières années de penser qu'on qu'on vend des montres suisses à Hong Kong, par exemple. Je me suis beaucoup intéressé à Hong Kong et à la Grande Chine. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse, aussi dans son exigence de traditionnalité, répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Oui. Et sur les 5% restants, 3% incluent les touristes. Donc la réalité de l'horlogerie, suisse aujourd'hui est de toute façon quelque chose qui est une dynamique mondiale. Donc à ce titre-là, c'était pas simplement pour complexifier la chose que je me suis intéressé à la Grande Chine et à Hong Kong en particulier, c'était pour rendre justice de ce qui se passe en fait, quoi. Si on tient autant à la substitution de notre horlogie, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs, des détaillants, des horlogers et des horlogères à l'autre bout du monde qui tiennent à ces valeurs, à cette institution du Swiss Made, de la qualité suisse. Et donc j'ai voulu aller voir ce que ça donnait en fait. Quand les représentants des marques suisses ou les détaillants de marques suisses, donc ça peut être des détaillants étrangers, évidemment, s'ingénient à réparer les montres suisses, en particulier les montres mécaniques extrêmement onéreuses, qui sont d'une technicité plus importante que les montres à quartz, et qu'on a vendues en grande quantité ces 20 dernières années, avec des problèmes à solutionner au niveau technique qui n'existaient pas dans les années 90, où la plupart des exportations concernaient des montres électroniques. Mais avec le renouveau du luxe horloger, du luxe patrimonial, avec lequel l'horlogerie suisse s'est repositionnée sur l'échiquier mondial et a dégagé de pareilles valeurs d'exportation à partir des années 2000, c'est bien les montres mécaniques. Donc je me suis intéressé à la manière dont les groupes suisses, les représentants de l'horlogerie suisse avaient dû, à partir du milieu des années 90, déléguer, ouvrir des écoles d'horlogerie suisse en Grande Chine, à travers le monde, disons aussi aux États-Unis et au Japon, mais je me suis intéressé à la Chine en particulier, et au transfert de technologie que ça supposait. Qu'est-ce qu'on entend par voir quand on dit le mot voir ici et quand on le dit là-bas? On n'entend pas la même chose. Ben, ce qui m'a intéressé, la différence, je dirais, la différence n'est pas tellement entre ce qu'on entend par voir en Suisse et ce qu'on entend par voir à Hong Kong, puisque les problèmes que je vais énoncer dans un instant, je les ai déjà rencontrés dans les classes suisses. C'est un problème de compétence entre les gens et d'expertise, entre les horlogers patentés et les horlogers en devenir, ou les horlogers en herbe. Voir, comme je l'ai raconté tout à l'heure, ça suppose, pour un certain nombre d'horlogeries patentées en Suisse, ne pas voir avec ses yeux, mais voir avec d'autres détours comme la tactilité, le toucher ou d'autres technologies. Mais ça, il faut bien pouvoir le distinguer. C'est-à-dire que si vous expliquez pas aux élèves à qui vous enseignez que il y a un voir regarder, un voir déduire, eh ben, il peut y avoir des confusions. C'est-à-dire que quand vous demandez à vos élèves de vous dire ce qu'ils voient, s'ils ne voient rien avec leurs yeux, ils vont peut-être être empruntés à répondre à cette question. Et donc, j'ai déjà approché ce problème en Suisse, mais ça a été tout d'un coup très saillant dans une classe horlogère que j'observais avec différents adultes, des horlogers expérimentés d'origine hongkongaise, qui suivaient ce cours en cours d'emploi avec un formateur suisse, qui se sont un jour retrouvés très mal pris pour répondre à la question que posait le formateur suisse, qui était « Mais non d'un chien, vous faites cet exercice parfaitement juste, expliquez-moi maintenant en détail ce que vous voyez, ce que vous regardez pour solutionner ce problème. » Il n'a pas eu la réponse qu'il voulait. Et puis, à ce moment-là, ça lui a mis la puce à l'oreille, donc il est revenu à la charge auprès de ses étudiants en leur disant « Mais non d'un chien, si vous avez fait l'exercice aussi juste, comment se fait-il que vous soyez pas capable de me répondre qu'est-ce que vous voyez ?» Et les élèves étaient empruntés, ils n'ont jamais répondu, se sont confondus en excuses en disant « on est vraiment gêné, on ne sait pas ». Et ça paraissait complètement irréalisable. J'avais un peu d'expérience en assistant à cette scène et je me suis permis de dire à l'horloger « Mais peut-être que c'est le statut du voir ou de ce terme voir qui est pas clair. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils voient, mais en réalité, ils ne voient rien. Pour réaliser cet exercice correctement, ils doivent assumer qu'ils ne voient rien avec leurs yeux. Les pièces qui sont en train de devoir ajuster, ils ne les touchent pas directement, c'est-à-dire que les objets qu'ils manipulent touchent d'autres pièces qui, par incidence, sont dans un microsystème mécanique, donc on est les effets de système entraînent, fonctionnent par des systèmes d'enchaînement et d'entraînement respectifs de pièces, donc du coup, on peut avoir quelque chose de très très complexe. Et là, il m'a dit, ah ouais, effectivement, peut-être qu'il faudrait que je distingue entre leur préciser qu'en fait, quand je leur demande de me dire ce qu'ils regardent, voir, c'est pas avec leurs yeux, quoi. Voir, ça veut dire déduire. Et à ce moment-là, il leur a expliqué qu'en fait, les pièces qu'ils étaient censés énoncer, ils ne les voyaient pas avec leurs yeux. Il a retourné un modèle de démonstration en leur disant, voyez, c'est caché sur vos pièces. Donc, je vous demande d'énoncer ce que vous voyez, mais pour réaliser cette déduction, mais parce que vous voyez effectivement par le sens de votre vue. Et là, par miracle, les choses se sont décantées et tout est rentré dans l'ordre. Et là, l'enseignant s'est tourné vers moi en disant « Mais je comprends mieux maintenant aussi pourquoi j'ai des problèmes en Suisse, en fait, à faire passer le message à mes étudiants. » Du coup, j'étais plutôt heureux de l'entendre me dire « Ah, mais finalement, c'est aussi un peu le même problème que je rencontre avec mes apprentis en Suisse. » Mais à titre d'anthropologue, ça m'a éminemment intéressé parce que je voyais bien qu'en fait, en circulant, ce savoir-faire lié au savoir-voir de l'horlogerie suisse était forcément amené à se traduire pour se transmettre, qui ne pouvait pas se transmettre juste en se reproduisant tel quel. J'ai relevé, Hervé Munz, trois mots. L'observation, la débrouille et le sens de la retouche manuelle. Alors, faut déjà savoir que c'est en m'intéressant vraiment au contexte et à la dynamique de la formation en Suisse que je me suis rendu compte que c'était important pour les formateurs et les formatrices de pérenniser ces valeurs-là. Ces valeurs-là qu'ils avaient souvent tendance à opposer à la question de la mécanisation, de l'automatisation du travail, en disant en fait on n'est pas en train de former des manœuvres, même s'il n'y a rien de dégradant à former des manœuvres, on en a besoin aussi, mais horloger, horlogère, c'est d'abord un métier non pas tellement fondé sur une compétence à maîtriser techniquement des outils ou des techniques, mais plutôt sur une capacité à résoudre des problèmes. Et puis c'est là que ces trois termes sont arrivés, avec l'importance de l'observation, une observation qui était toujours une manière de se poser les problèmes, en fait. Non pas seulement de faire l'exercice de sa vue une fois de plus, hein, mais une manière d'essayer de comprendre les choses de manière élargie en posant des problématiques de recherche. Est-ce que je peux me permettre de dire, par exemple, que observer, ce n'est pas seulement se dire qu'est-ce que je regarde, mais comment je regarde ce que je suis en train de regarder. Exactement, c'est ça. Donc il y avait déjà presque un... Et sans doute la raison pour laquelle ça m'a beaucoup plu, c'est parce que l'observation, c'est un des points cardinaux de l'anthropologie ou des sciences humaines, des sciences de l'enquête, en fait. Donc on peut reprendre trois points par point. En m'intéressant aux horlogers, que ce soit par l'observation, les questions de débrouille et de retouche manuelle, j'ai envie de dire qu'à mon avis, vous avez parfaitement raison, c'est transversal à beaucoup d'activités, c'est une manière de penser le travail ou l'activité professionnelle, tout simplement. Je pense qu'à titre de journaliste radio, vous êtes sans doute mobilisé et touché par ces trois valeurs de la même façon que je le suis en tant qu'anthropologue. Eh bien, la même chose, en fait, les horlogers et les horlogères que j'ai rencontrés, ils avaient ce souci de dire, ben, nous, on a un métier auquel on tient et on pense qu'on est d'abord, certains d'entre eux me disaient, des intellectuels. Et alors au sens où ce qui nous intéresse, c'est de résoudre des problèmes. Et alors, par l'observation, par une manière de poser les questions, de s'interroger sur notre propre savoir ou ses propres limites aussi. Donc une posture très réflexive aussi. Et dès l'apprentissage, c'était vraiment très impressionnant de voir ces jeunes, déjà à l'âge de 15 ans, être soumis à cette exigence de réflexivité. Ensuite, il y avait la question de ces deux valeurs cardinales que sont la débrouille, c'est-à-dire... les procédures, les instructions de procédure existent, les modes d'emploi aussi, mais en fait, ça ne résout jamais tous les problèmes. En fait. Oui, si l'incendie est là et pas du Absolument, tout comme on s'y attendait, on fait comment? C'est ça, c'est la vraie question. Et en anthropologie, depuis une trentaine d'années ou quarantaine d'années maintenant, on travaille avec un paradigme qui s'appelle l'action ou l'apprentissage situé, qui est une manière de penser l'importance des plans, l'importance des moyens dont on se dote pour formaliser la manière dont on s'y prend pour résoudre un problème ou pour pratiquer une activité. Mais ces formalisations-là n'épuisent jamais le processus en entier. C'est-à-dire que c'est toujours une affaire de reconfiguration et de réajustement en situation en fonction du contexte précis dans lequel on agit. Et c'est une manière de penser toujours le dialogue entre action et cognition. On ne pense pas indépendamment d'un contexte qui agit sur nous aussi et nous force à devoir trouver des solutions qu'on n'avait pas, pas anticipées. On ne pense pas indépendamment d'un contexte qui agit sur nous aussi et nous force à devoir trouver des solutions qu'on n'avait pas anticipées. Restons sur ces derniers mots à méditer. Demain, nous retrouverons là où nous en sommes, l'entretien auprès de l'anthropologue Hervé Munz. Il sera question de pratiques professionnelles, de poésie et de documentaires. À demain. Avec le temps va